Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damage ont le plaisir de vous présenter Tahrim al-Tashabbuhi bil-Kafirin, l'interdiction de ressembler aux mécréants. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bid-Damaj, au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنكمل إن شاء الله عز وجل هذا الموضوع المهم في بيان الخطورة في التشبه بأعداء الله عز وجل الكافرين وتوقفنا أمس في آخر أو المسألة الأولى أي من أمثلة التشبه المنتشر الآن أي on va citer des exemples إن شاء الله يعني des choses que les musulmans الآن ils suivent les kuffars. Et la première chose qu'on avait vue, c'est fil afkar. Fil afkar haddama. Et on a détaillé la démocratie et l'akhir. Alors, la deuxième, وهي البناء على القبور. قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فلما حصل من الكفار هذه البدعة والمخالفة أي لفت السلام لفت de construire sur les tombes البناء على القبور ف المسلمون وبعض المسلمين الجهال إذا سوي الكفار حتى في هذا وتعلمون أن البناء على القبور من أعظم وسائل الشرك بالله عز وجل لأنه من الغلو الغلو في صاحب هذا القبر فسي une chose qui va pousser la personne à faire du shirk والعياذ بالله. فلهذا le prophète صلى الله عليه وسلم il a interdit de construire sur les tombes pour couper, pour fermer les portes qui emmènent au shirk. واعلم أن من أعظم أسباب وقوع الناس في الشرك التشبه بالكفار. من أعظم الأسباب التي وقعت بعض هذه الأمة الإسلامية في الشرك بالله عز وجل التشبه بالكفار. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى قال أول ما حدث الشرك في مكة هو بسبب التشبه بالكفار. نعم قال لأنه لما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام ووجد أهل الشام يعبدون الأصنام أعجبه ذلك وجلبها إلى الحجاز. نعم فستموت أن الشرك la cause que le shirk il est rentré في الجزيرة في مكة avant la venue du prophète عليه الصلاة والسلام la cause c'est أن هذا الرجل عمرو بن لحي البروفيت صلى الله عليه وسلم il l'a vu في النار il est parti في الشام en visite au Cham, l'actuelle Syrie, la Palestine et la Akhir, la Jordanie, tout ça c'est Cham, le Liban. Fahoua, c'est un Hijazi, Amr ibn Luhay, Mecca, il habite à Mecca, le Hijaz. Il est parti vers Cham, il a trouvé, il a vu un Ahunak, ils adoraient les statues. Fa'ajabahu dhalik, ça lui a plu, il a aimé Hada, il a pris des statues avec lui et il les a emmenés à Mecca. ça fait une fitna للناس فوقعوا في الشرك. On cite, nous, هذا pour vous montrer en à la cause, c'est Tachapou Bil Kuffar. Il n'aurait pas essayé de se ressembler à Haoula, enfin, il n'aurait pas arrivé ce qui est arrivé, mais قدر الله وما شاء فعل. الكلام من كتاب إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد ومر معنا نحن ولله الحمد هذا بالتوسع في شرح كتاب التوحيد. فالخلاصة من هذه المسألة أن التشبه أن البناء على القبور من باب التشبه بالكفار. Le fait de construire sur les tombes, d'embellir la tombe, poser des fleurs, kada kada, tout ça c'est min tashabbuh bil kuffar. Et tout ça c'est une wasila, c'est un moyen qui peut pousser la personne à adorer ce mort. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالبروفيت صلى الله عليه وسلم لعنهم. Ça te montre qu'ils sont c'est un qawm qui est mal'oun. Al Yahoud ou Al Nasara, ils sont maudits. Maudits à l'issan l'anbiya. Ou à l'issan Rasulillah, alayhi salatu salam. La'natullah ala Yahoud ou Al Nasara. Ittakhadu qubur anbiya ihim masaj. Ils ont pris, ou ils ont construit sur la tombe, ou sur les tombes de leurs prophètes. Et ça, c'est min sabab al-la'na. C'est min al-tashabbuh bil-kuffar. Fala yajouz li muslim annahu construit sur une tombe. Abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré sunnah. Anna le mort muslim, on l'enterre dans un cimetière avec le muslimin sans rien construire sur lui. On creuse, on l'enterre, on recouvre de terre, intaha. Intaha. Et là, bah, la tombe elle est élevée un petit peu. Hatta les gens ils savent que c'est une tombe. Amma l'élever comme ils font ba'da an-nas l'an. Les gens construisent avec du marbre, avec kada, ils mettent des fleurs, tout ça c'est min tashabbuh bil kafirin. Al mal'ounin. Wa fi muslim an jundub radiyallahu anhu qal sami'tu an-nabiy alayhi salatu wassalam yaqul ala inna man kana qablakum kanu yattakhidun qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Prophète sallam nous a montré أنا من صفات المشركين من صفات أهل الجاهلية يكونسخوزين sur les tombes. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a interdit فإني أنهاكم عن ذلك لأنه ستشبه بالكفار. كذلك c'est un moyen qui peut pousser la personne à faire du shirk, à adorer la tombe. Et c'est ce qui est arrivé dans كثير من بلاد المسلمين. Dans beaucoup de pays musulmans هذا ça arrivé أنهم ils ont imité le كفار يعني en construisant sur les tombes, al-an kathir min ha'oula al-juhal, beaucoup de ces ignorants ha'oula, ils adorent, yani les morts. Sidi Fulan, Sidi Fulan. Tout ça, al-sabab, c'est hada. Hada, le prophète sallam, il nous a montré al-tawhid, il nous a mis en garde contre le shirk, et il nous a mis en garde contre les moyens qui poussent à faire du shirk. Wa min a'zamiha, wa akhtariha, al-tashabbuh bil kafirin. فهذا الباب اللي مهم لأن مسائل الآن التشبه لمسائل كنا سيتي que ça soit الأفكار tout ce qu'on a parlé la démocratie l'akhiré البناء على القبور tout ça c'est أمور تتعلق بالتوحيد وبالعقيدة. فالمسلم يدن العناية هذا يدن l'importance هذا il apprend, il demande, il cherche, il comprend حتى يبتعد من هؤلاء الشياطين. المسألة الثالثة التشبه في التفرق والتحزب والقومية إلى آخره. فصار لا سيتة دون من باب التفرق أي لفت جس ديفيزي الأحزاب لي جروب سواء دي جروب بوليتيك أو أوتر القومية. القومية معروف لو باتريوتيزم إلى آخره أي شاكا يعني il revient à son qawm. Et le wala ou le bara, il l'aime et il déteste pour son qawm, pour son pays, il a akhiré. Ce qu'ils appellent le patriotisme. Tout ça, c'est min al-tashabbuh bil-kuffar. Nahnu, kama sayati al-adillah, al-wala ou le bara, al-hub ou al-bughd, il est fillah. Qala azza wa jal, inna akramakum inda Allah atqakum. Nahnu, il n'y a pas de différence entre un noir, un blanc. un arabe, un noir arabe, un grand, un petit, il n'y a pas de farqna. Celui qui a taqwa, il a l'iman, on l'aime fillah. Celui qui n'a pas de taqwa, qui n'a pas d'iman, on le déteste fillah. C'est ça le mizan, indana. Amma, tu vas voir, indana le kuffar, ils ont plus ça, hum. Hum, imma, c'est un parti, ils vont se regrouper. Ils ont les mêmes opinions des partis politiques, ou par pays, ou par kada, il a akhir. Tout ça, la yajouz, dana, nous. La yajouz. Nous, on aime fillah, celui qui a la dîne l'islam. Celui qui est mustaqim, celui qui suit sunna, on l'aime fillah. Et celui qui suit pas dîne l'akhir, on le déteste fillah, qui qu'il soit. Proche ou pas proche. تقدمت الآية أمس لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية أما في التفرق فقد بين الله سبحانه وتعالى أن التفرق لا ديفيزيون من صفات المشركين قال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله سبحانه وتعالى يمضمطق أنه أضبطكم هؤلاء ولا تكونوا أي سويبا كم هؤلاء ولا تكونوا من المشركين ثم سبحانه وتعالى يمضمطقين صفة ده هؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزاب دي غب فنحن لا يجوز لنا هذا نحن من أمة واحدة on a le même رب on a le même prophète on a le même قرآن on a la même سنة فأنا جماعة واحدة من جماعة واحدة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستفاد من هذه الآيات إلى ست بلجر آيات منها هذه قال ويستفاد من هذه الآيات أن تفرق الأمة الإسلامية مشابهة لليهود والنصارى نعم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم فسلوك يزديفيز في دي غروب إلى آخره فهذا يغصم الكفار لأن المسلم المؤمن الله سبحانه وتعالى أمره بالاعتصام بكتاب الله قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونحن الله سبحانه وتعالى nous ont donné on s'accroche tous et on suit tous le Coran et la Sunna et on se divise pas et si on diverge dans quelque chose dans une mas'ala dans une opinion dans un avis on diverge on revient tous au Coran et à la Sunna عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث فهذا وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على الشك هذا صباغي بإساغي كما في حديث معاوية حديث أبي هريرة حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ستموت أن هذه الأمة Elle se divisera, et elle se divisera. Lakin anta yuha al-muslim, fais attention de ne pas être min ha'oula. Et anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a montré la solution. Illa wahida. Il y en a une qui ne se divisera pas et qui ne sera pas min ha'oula. Qalu man hiya ya Rasulullah. Qal al-jama'a. Al-jama'a, jama'at al-muslimin. Fi riwaya ukhra, ma kana alayhi ana al-yawm wa ashab. Aïe. Sur quoi il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est ça le jama'a. فأنت تسوي هذا لغ ديفيزيون ولغ غروب يدفعوا أكمل بإذن الله الحاصل أن التشبه أن التفرق والأحزاب السياسية أو غير السياسية الآن تدخل في لغ غروب إما سيدة جمعيات جمعيات كذا جمعيات كذا الشك إما سيدة أسوزاسيون أو دي غروب بوليتيك أو الشك يتتس لطخ ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا الان هذا التنازع ازداد استنطخوا هذا يرتش هذا هذا يرتش هذا الى امه على فبل فلهذا نحن نصي ان القوه سي في الاجتماع الضعف الى في التفرق لا فورس اللي دون لونيون سي اون سوني توس لا امه سرا فور سي اون ديفيز فالفشل والضعف والضياع وللاسف تتخوف Tu vois, t'entends. Anna, Bad, Abdullah, min hadi l'umma. Et ils appellent au tafarruq bi kulli wudouh. Min du'at, al-ikhwan al-muflissin, Abdullah. On a vu, on a cité hier des aqwal. Anna hum hatta, la liberté d'aqida, la liberté de penser, la liberté, ils ont des fatwas fi hada. Ha'oula al-qawm, il faut que tu aies aucun doute, anna hum, ils sont manipulés par le kuffar. الإخوان المسلمون سعكاز للكفار. Kuffar, ils s'en servent pour manipuler l'Ummah. Et eux, ils croient qu'ils sont à la ilm ou à la huda. Isma'il al-Kalam, al-Munharif al-Dhal, al-Za'ir, Youssef al-Qardawi, yaqoul, fi kitab al-Islam al-Gharb, qal, da'outu fi kathir min kutubi. إلى أنه لا مانع من تعدد الجماعات الإسلامية وأن يكون هناك أكثر من جماعة وأكثر من حركة. إلى بالكلير هو إلى بالكلير أن لا أمة إسلامية فوقي بزر جروب بزر حركة إلى آخره. Son but c'est quoi؟ عليه من الله يستحق. Son but هو أن plus y a de groupes, plus الحاكم المسلم aura des facilités à le faire tomber anta. Ouais, c'est ça son but. Et il a sarrah fi ba'd al-kutub min hadha al-kalam kathir. Fa ha'ula khalif as-sunnah. Al-Imam al-Ajurri rahimahullah fi kitab al-Sharia qal bal umirna. Isma' al-an compare kalam imam min a'immat as-salaf, al-Imam al-Ajurri rahimahullah, avec le kalam كلام المنحرف هذا. قال بل أمرنا بلزوم الجماعة بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة. الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تفرقوا نفو ديفيزيبا ساسي كلام الله. قال وأمرنا وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة في أحاديث كثيرة. إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. الإمام أجري تسيتي أن الله سبحانه وتعالى ينوز أغدن de nous unir et nous interdit la division. Le prophète Kadhalik, tous les savants de l'islam, ça c'est bien l'ijma. Tu trouves Hada Abdal al-Munharif et Khalif, tout ça, bisouhoula. Ça te montre que c'est pas un alim et ça te montre que il est à la dhalal. Hada, les anna mukhalafat Hada l'ijma, c'est khatir. C'est khatir. L'islam muslim, il y a Hadar min Hada. Les anna al-Kuffar al-An, ils appellent beaucoup à Hada. Le pluralisme, le patriotisme, tout ça, il y a des هذه الأمور سيبور ديفيزي الأمة فقط فنحن لا بوغ دو غوسومبلي ا هؤلاء. نحن هنا دي سافون اي اون ا دي غوفرنور. لي غوفرنور اون لو روبي في طاعة الله قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنحن لو روبي في طاعة الله في طاعة الرسول. اي سي ان شوز كي نو بلي با او كذا او كذا نصبر. قال عيسى والسلام من رأى من أميره شيئا فليصبر أبتصن يباسيون ينصح. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. كذلك العلماء سونا دي بروبليم اون لوغ بوز دي كيستيون فاسالوا اهل الذكر اي اون ليسوي في طاعة الله اي سي سترومب اون بخون با الخطا الى اخره. اي اون اون امة واحدة دي ان غوفرنور او دي غوفرنور اي دي سافون اي اون باسيونت اي اون سونتخيد وتعاونوا على البر والتقوى. اما هذه الفرقة هذه لي غروب كي زابيل هذا لا دغوات هذا لا غوش هذا خصوصا من احزاب اي من تشبه بالكافرين. الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيباسا à son époque. Les Sahaba, ils n'avaient pas ça, il y avait un amir. Et le salaf, il a dit, c'est venu à dire l'afkar, l'afkar al-kuffar, et puis le bid'a de khalat. Sallallahu alayhi wa sallam. Fait al-hadar al-hadar, al-hadar al-hadar, min hadi l'afkar. Kadhalik al-qawmiya. Qawmiya, ça ne fait pas partie de notre din. Le nationalisme, le patriotisme, tout ça, ça ne fait pas partie de notre din. Nous, on azzam al-sharia. Et on aime Allah, on aime le prophète Aïssa au salam. Et après les pays, c'est un pays musulman. Là, on aime le pays musulman par rapport à l'islam. Mais on n'a pas de ta'assouf fi hada. On n'a pas de ta'assouf fi hada. Fa al-mizan c'est l'islam. Al-mizan c'est le sunna. Al-mizan c'est l'imam. Wa fi sahihay an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أي غزوة يسون صورتها بك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. قال فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار أي يو يو بروبليم أنت مهاجري وأنصاري ستد الجن كما في رواية. فقال الأنصاري يا للأنصار قال المهاجري يا للمهاجري الآن الأنصاري il a appelé sa tribu يا للأنصار. Dès qu'il a eu un problème avec le Muhajiri, il a appelé sa tribu. Al-Muhajir, كذلك, il a dit, Yali al-Muhajiri. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma bal da'wa al-jahiliya. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ça da'wa al-jahiliya. Pourtant, si tu analyses les hadiths et tu médites bien, Al-Ansar ou Al-Muhajiroun, c'est des asma mashru'a, mahmouda, mahbouba indallah. Sabiqoun al-awwaloun. من المهاجرين والأنصار هكذا قال عز وجل malgré tout ça dès que le prophète صلى الله عليه وسلم il a su أنهم فلان il a appelé sa tribu pour Khalad et l'autre المهاجر il a appelé sa tribu pour Khalad le prophète صلى الله عليه وسلم il a su que c'était من دعوة الجاهلية il a dit ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم فالنبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde ça c'est un délire ça te montre qu'on a le nationalisme le sectarisme tout ça c'est d'ailleurs chose dinina Fulan il est de mon pays, je le rapproche. Il n'est pas de mon pays, je le déteste. Ah ben t'as Al-Mizan c'est l'islam ou l'iman. Faqal alayhi sallallahu alayhi wa sallam da'ouha fa innaha muntina ay khabitha. Ay da'ouha ay hadi al-umur. Hadi al-umur. Ay delisela. Fa innaha muntina. Fa anta ayuha al-muslim. Al-hadith muttafaqun alayhi. Fa anta ayuha al-muslim. Tu dois délaisser hadi al-umur. C'est pas mine à l'islam. C'est pas mine à l'islam. L'islam, c'est le Coran et le Sunna et le Tiba'a al-Salaf. Et tu trouves, un les compagnons, il y avait Bilal, Habashi, il y avait Salman, min Faris, il y avait des Sahabi, min al-Hijaz, il y en avait Izdem, min al-Yaman, il y en avait. Et l'akhiri. Et c'était une jama'a wahida, des frères. Qala Allah, qala Rasul. Et ils ont combattu, Asl al-Arab, Quraysh, Kuffar Quraysh, à l'époque. Quand c'était des coffres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Il n'a pas dit là, ils sont de ma tribu, là, c'est de ma famille, c'est abadan. Abadan. Qulu la ilaha illallah tufli'u. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Al-mizan, c'est ça, c'est tawhid. Celui qui applique tawhid, c'est notre frère. Celui qui n'applique pas, c'est pas notre frère. Qui qu'il soit. Hada. Fa antabi ayu al-muslim de tous ces afkar. De tous ces afkar. الله المستعان وهذا سي منتشر خاصه في السياسه دونك هذا دونك هذا سي منتشر جدا tu le trouves حتى عند العوام un marocain ne peut pas sentir un algérien صحيح كثير منهم un tunisien il peut pas il peut... un sénégalais il déteste le malien Djibouti déteste le Somali وهكذا Tout ça, c'est une da'wa al-jahiliya. Ba'dennas, le gwala al-bara, c'est sur ça. Regarde dans nos quartiers en France, tu vas trouver ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le sabab al-jahl. Amma, normalement, nous, ce qui nous unit, c'est l'islam. C'est un français, c'est un anglais, c'est ce qu'il veut. S'il a l'islam, c'est mon frère. S'il n'a pas l'islam, il peut être de ma famille. C'est pas mon frère. Wahakada. Wahakada. Fana sallallahu alayhi wa jal, an yahdi dullal al-muslimi. المسألة التي بعدها التي وقع فيها التشبه كثير ينافني بالأفكار الآن وبفصل مسائل في أعيادهم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فكثير من المسلمين إذا قلد يسوب الكفار في أعيادهم ضرفت Noël, le nouvel an, Pâques, la fête des pères, des mères, il a akhiré. Tout ça, c'est min aïad al-kuffar. La yajouz lak, ayyuha al-muslim, tu les suis fi hada. Abadan. Abadan. Tabata fi hadith Anas, radiyallahu an, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, lama jaa ila al-madina, wajadahum yal'aboun fi yawmain. Ay, ils avaient deux jours, yal'aboun. Le Rasoul صلى الله عليه وسلم il leur a demandé, il leur a dit ma balakum tal'aboun fi hadhihi al-ayyam. Ils ont dit ya Rasoul Allah. Ils lui ont expliqué anna ces deux jours, c'est min a'yadihim fi al-jahiliya. Le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a dit qala alayhi salatu wasalam qad abdalakum Allah 'azza wa jalla khayran minhumā. Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré, il leur a dit en Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a remplacé par deux jours, par deux fêtes. Eid al-Adha, Les Eid du sacrifice, ma'rouf. Al-Ashr min Dhul-Hijja, Ayyam al-Hajj. Donc les musulmans sacrifient le mouton. Et Eid al-Fitr. Après à la fin du Ramadan, le premier jour de Shawwal. Eid al-Fitr. Enfin, le musulman, il a deux Eid. كذلك dans notre hadith, al-Jumu'ah. Jumu'ah, c'est Eid al-Usbu'ah. عيد الفطر عيد الأضحى هذه أعياد المسلمين أما موضوع دو سلا فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il leur a montré أنه ces deux عيد سفيني لأن هذا أعياد من الكفار et il leur a montré أعياد المسلم ça c'est un دليل أيها المسلم أنك أنت تدعي تدعي en dehors de ça là لا لا يجوز التجربة بالكفار في هذا تعلمون أن الكفار chaque semaine, belle, chaque jour, ils ont Eid. Eid de Kada, la fête de Kada, la fête de Kada. Zaïma. Là, il y a juste de tachabou bi haoula. Là, il y a juste. Khasatan, certains de ces Eid, si tu regardes l'imada, ils font cette chose, ahyanan, tu vois que c'est du kufr billah, azza wa jal. Kufr billah. Prends Noël, matalan. Y'attaquedoun fi Isa, alayhi salam, annahu, c'est le fils d'Allah, azza wa jal. Kif anta, tu vas aller, tu vas fêter hada avec eux. عندهم هم سبا لا نيسونس دو عيسى رسول الله اون سي لا نيسونس دو عيسى لو فيس د الله فانتبه انتبه للاسف تتروف دي مسلمين الان يزيدوك لوغ زونفون على هذا يفات نوال اكثر من العيد تتروف بعض المسلمين يوم العيد عيد الاضحى مثلا او الفطر يترافاي الى اخره سي كوم سي افي ريان دو تو تي لو تروف نوال يعني اللي عطم اكثر من اعياد المسلمين فلا يجوز لا يجوز التشبه في أعيادهم سئل الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله عن بعض المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم أي نؤال إلى آخره يظن ماذا الشيخ ابن باز فإلى غبن رحمه الله قال لا يجوز للمسلم ولا للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم سي با خاص بور النصارى اليهود جميع الكفار فبلغة فتي لو أعياد كذلك أعياد المبتدعة تبلغ نحن هنا دو عيد مشروع الأضحى عيد الفطر شاك سومان الجمعة فقط أما لزود عيد تصغر إما دي أعياد دو كفار نويل لا فت دي مير إلى آخره إما دي أعياد دو مبتدع المولد إلى آخره فأنت لا يجوز تسوي هؤلاء قال بل يجب ترك ذلك لأن من تشبه بقوم فهو منهم صحيح أنت الآن بالله عليك سيون دومون tu détestes Nasara tu détestes اليهود est-ce que tu vas les suivre dans leur أعياد أبدا أبدا لا بروف سي أنت رونفيرس لا سيتواسيون t'as déjà vu un يهودي ou un نصراني égorgé avec toi le mouton أبدا هو يتحارب pour ce jour Et combat, ouais, il fait tout pour que tu ne fasses pas ton Eid. Anta, ayyuhal ghafil, ayyuhal miskin, tu vas et tu les suis. Al-insan, yantabih. Man tashabba bi qawmin fa huwa minhum. Al-kuffar, limada ils ne veulent pas se ressembler avec nous? Liana, ils nous détestent. Man tashabba bi qawmin fa huwa minhum. Liana, si ils ressemblent aux musulmans, aqida wa amal, c'est des musulmans. Fa huwa, il ne veut pas. Kif anta tashabba bihim? Man tashabba bi qawmin fa huwa minhum. Ça va dans les deux sens. Anta, tu n'as pas le droit de ressembler à haoula. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم وهذا تقدم معنا قال فعلى المؤمن والمؤمن الحذر من ذلك ولا يجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء هذا سنتبه مهم تبطل قد يسدي في أي شيء يجي في موان قاتو ومن موان كذا الجوع عيد لا سنكافر تلت با في هذا لأن سكفاس المخالفة شرعية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال عز وجل فتبغوا المساعدة في الشيء منها تتخوا بعض المسلمين dans des fêtes de kuffar أحيانا c'est des معصية واضحة fête de la musique fête de كذا تتخوا مسلمين يساعد في هذا هذا لا يجوز لا يجوز كلام الإمام نباز من الفتاوى فالخلاصة أن التشبه في أعيادهم سحرام سحرام كذلك مما انتشر C'est de fêter les anniversaires. Que tel les musulmans ils ont de la gafla via ça, c'est haram, la yajouz. Ça, c'est min. T'as chabou avec le kuffar. Un dalil. أن الرسول أو الصحابة أو أئمة السلف ils ont fêté leur anniversaire أو l'anniversaire d'un autre. أبدا. Ils n'étaient pas حول هذا هم. هم leur vie année par année, jour par jour, heure par heure, ils essayaient d'être في طاعة الله. Et ils étaient في طاعة الله رضي الله عنهم. فكيف أنت l'année passe tu fêtes. أبدا. La personne doit réfléchir qu'est-ce qu'il a qu'attendu le jour du Qiyamah. Qu'est-ce que tu fais chaque année? Chaque année ça part, ça avance et c'était pas à l'istiqamah, c'est à la khatar. Et il n'y a pas de dalil à la hada. Enfin, le musulman il doit délaisser hada. L'anniversaire pour ses enfants ou kada, tout ça c'est haram. Tout ça c'est haram. Un tas tes enfants habitués à deux Eid par an et habitués à Jumu'ah. Jumu'ah et Yafrah, il va avec ton masjid, il assiste à la khutbah et deux fois par an à l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha. C'est mieux que ces anniversaires une fois par an, c'est des ma'asi, c'est des bid'a, c'est des khurafat, et ça fait que rajouter des péchés à la personne. Faqat. وَلْتَنْدُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ هَكَدَ قَالَ عَزَّ وَجَلٍ نَحْنُوْ On travaille pour l'akhira. On avance pour l'akhira. Amma, ces anniversaires, les fêtes chaque an, il n'y a aucune faïda. هذا ما يتعلق بالأعياد. المسألة التي بعدها التشبه في اللباس. وهذا سن بلوى عظيمة في هذا العصر. قد لا تفرق في بعض الأماكن كما نشبكي أنت مسلم يا كافر. لأن الكور أنت لا تعرف ما فيه. خاصة إذا كنت في الخارج في بلد في مدينة أحيانا لا تفعل الفرق. هذا مسلم أم كافر. S'ils sont habillés pareil, on t'attaque l'apparence. T'as que l'apparence. Enfin, c'est une musiba. Attachez-vous avec le kuffar, fait zahir l'apparence. Wa'alam, il y a un lien entre l'apparence et ce qu'il y a dans le cœur. Il y a un lien, c'est lié. Comme a dit Isaud Salah, hadith al-Nu'man, inna fil jasadi mudra, idha salahat, salahal jasadu kullu. Inna fil jasad mudra. Et dans ton corps, ayyuha al muslim, ayyuha al insan, il y a un membre. S'il est salih, s'il est bon, tout le corps il sera bon. S'il est mauvais, tout le corps il sera mauvais. Ça te montre qu'un celui qui a l'apparence mauvaise, son cœur il est mauvais. Inna fil jasad mudra. Idha salahat, salah al jasad kullu. Wa idha fasadat, fasad al jasad kullu. Ala wa hiya al qalb. Le hadith sahih. Enfin, ça te montre qu'il y a un lien entre l'apparence et ce qu'il y a dans le cœur. Ce qu'il y a dans le cœur. Ayyuha al-Muslim, tu dois travailler ton cœur, ta aqidah, ton tawhid. Tu dois apprendre, appliquer et ton apparence, les deux. Les deux. Rajir l'islam le taymiya rahimahullah, wa hadi l'umur. Al-batina wa al-zahira baynahuma wa la bud irtibat. Hada kalam shir l'islam. Il te montre qu'il y a un la bud. C'est obligatoire qu'il y ait un lien entre l'apparent et le caché. La bout. Qal wa munasabat. Ou, بعدها قال منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين. هذا. أن si deux قوم, deux personnes, deux tribus, deux pays, ils se ressemblent, ça va faire un lien entre les deux. لأن celui qui déteste une chose, il ne va jamais lui ressembler. معروف هذا. معروف. Une chose que tu détestes, tu ne veux pas qu'elle t'approche et tu ne veux pas la faire. كيف الآن المسلم, il est demandé de détester, il est ordonné de détester les kuffar. كيف il leur ressemble. Ça montre qu'il y a quelque chose. Ça montre qu'il y a quelque chose. إما الجهل, إما والعياذ بالله شيء آخر. وقال العلامة العثيمين عليه رحمة الله تعليقا على كلام شيخ الإسلام إلى علق على هذا الكلام في اقتداء سورة المستقيم قال كذلك الذي يتشبه بالكفار لابد أن يكون لقلبه ميل إليهم لابد هذا أوبليغاتوار سنة الله عز وجل في خلقه إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فالشيخ بن عثيمين يتموت أن السبي كي غصب الكفار لابد تتخوف غاتي نعطان شرر الكفار لابد لابد لابد دون كل شيء أي هذا on l'a vu et on le sait نحن فالإنسان يعني un impact ce qui vit autour de lui les choses son habillement حتى la langue حتى la langue. Cheikh l'Islam, le Taïmi, rahimahullah, celui qui ne parle pas l'arabe, ça va impliquer des choses. Ça va impliquer des choses. L'arabe, c'est la langue du Coran. Imma illa celui qui n'a pas le qudra, la yukalifullahu nafsan la wuz'a, amma celui qui a les moyens, fa la yambari. La yambari. Wa min al-adilla, ala tahrib libas al-kuffar. Hier, on avait fait une précision, al-natashabbu, il est dans les choses qui est khas pour eux. Khas pour eux. Amma anta, tu mets un t-shirt, les kuffars ils mettent des t-shirts, c'est yajouz. Personne dit que c'est haram. Abadan. Abadan. Lakin, il y a des libas, c'est khas pour eux. C'est khas pour eux. T'as pas le droit de les mettre. Khas, t'as un tata. T'as le badil, t'as une chose qui remplace. Ça y est, il y a le pantalon, il est akhiri. Awalan, un dalil am ala hada, wa huwa hadith Abdillah ibn Amr ibn al-As. Radiallahu anhuma, qal. Ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayya thawbain. Mu'asfarain. Mu'asfar ay. Ils étaient d'une couleur particulière. Ils ont été colorés avec une couleur et c'était une chose qui faisait les koufars. Enfin, ce libas, il est devenu khas pour le koufar. Écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, inna hadhihi min thiyab al-kuffar, fala talbisha. Il a dit à Abdullah ibn Amr, il a dit, inna hadhihi min thiyab al-kuffar, ça c'est un habit des koufars que tu as, la talbisha. Dans une autre riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Amr, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aghsilha, je la lave. Allez, j'enlève les couleurs à Hadi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, bal ihriqha, brûle-la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît, il sait le danger. Il sait, c'est un libas de kuffar, brûle-le, t'en as pas besoin. T'as ce tafiz min hada, un libas de kuffar, tu ne l'aimais pas. Bal si t'en as un, tu le brûles. Bad ikhwa, ils font un khata. Et nous n'avons pas alayhi, anna bad ikhwa, ils font un khata. Annahum, maintenant, ils rentrent dans l'istiqama. Ils rentrent dans le sunnah. Et alhamdoulilah, il déleste, khalas, il a compris, il ne faut pas ressembler au kuffar. Lakin, il ne fait pas attention aux habits de kuffar qu'il a laissé. Rien n'a pas ils ont laissé des armoires. C'est toi le responsable, c'est toi qui as acheté, c'est toi. Enfin, la solution, c'est que tu brûles. Tu brûles, tu détruis, tu fais quelque chose, hatta plus personne les met. Amma ba'al ikhwa, ils sont fait rafla shadida, ils les donnent. Tiens, là, je ne le mets plus. Et akhi, tu donnes du sort à ton frère. Kaif anta, la tarda minafsik, tu le portes et tu lui donnes. T'as bloqué ta da'wa, comment tu vas lui dire Anta, mais plus les habits de kuffar? Il va dire c'est toi qui me les a donnés. Et Anta, si tu veux pas qu'il les mette, tu vas jamais lui donner. Fais attention. Et quoi, n'est-ce pas? Dès que c'est du haram, tu coupes. Kadalik, hadi le mas'ala dans la musique, allez, kadir. Parce que ils écoutent de la musique. Et ils laissent des CD chez lui, ou ils les donnent. Et akhi, tu dois détruire, c'est du munkar. C'est du munkar. Man ra'a minkum munkaran, fal yughayyirhu bi yadihi. Tu dois enlever ce monde avec ta main si tu peux. Et c'est ton hak, personne ne va rien dire. C'est tes habits, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Fa hada tanbih muhim. Et dalil ala hadhihi al-mas'ala hadith Abdullah ibn Umar ibn Amr bal ahriqha ahriquhuma. Wa hada al-hadith li fi sahih Muslim. Wa hunak albisa intasharat fi hadhihi al-azmina. On va citer deux cas. Aïe, des vêtements qui sont propagés via des zaman, et c'est des vêtements de kuffar. Le premier, le pantalon. Et le deuxième, les masaïl, on va en citer deux. Et tout le reste après, c'est le même hukm. C'est le même hukm. Et le deuxième, c'est les habits où il y a des images. Il y a des représentations. Yani, imma un être humain, imma un animal. Une chose qu'a une âme. Enfin, on va commencer par le pantalon. Le pantalon, comme vous le savez, c'est un libas min al-kuffar. Et le dalil ala hada, anna al-umma al-islamiyya, il ne connaissait pas le pantalon. Abadan. Abadan. Et celui qui a connu la génération avant nous, pas nos parents, là, avant. Il y en a nos parents, masakin, c'est des victimes de la colonisation. C'est pour ça que tu trouves qu'il minoum, ils mettent le pantalon. Lakin, va la génération avant, les grands-parents, Abadan, tu le trouveras, fi bilad muslim, tu le trouveras mettre hada. Illa si ta'athar. Illa ta'athar fi akhir hayatihi. Amma, les grands-parents, c'est connu, les générations d'avant, ils connaissaient pas hada. Ils ont connu hada avec l'istimar. Dès que les kuffars, ils ont colonisé bilad muslimi avec leurs pantalons. Dès qu'ils sont sortis, ils ont laissé le pantalon hada. Et le musulman, il l'a pris. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça te montre Hada, que c'est un habit de kuffar. Ça te montre que c'est un habit de kuffar. Il vient de chez les kuffar et Hada, personne ne peut nier Hada, c'est connu, c'est wadih. Et c'est un pantalon Hada. Il est haram, لأنه تشبه بالكفار. من تشبه بقوم فهو منهم. هذا واضح. كذلك il est interdit. لأن كثير من هؤلاء ceux qui mettent les pantalons, tu vas le trouver أنه il est musbil. لأن le pantalon ça implique هذا. Un pantalon c'est long. C'est pas court. C'est pas court. فالإزبال c'est haram. قال عيسى صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. فالسوق يمت لبنطلون لبنطلون هذا يدسون سود الجري أولا يغسون الكفار دوزيما إلي مسبل إلي مسبل. قد يقول قائل جلو كوب لا العلة ستشبه بالكفار سببا يقول تمون إسي سيجوز لا لأن tu le montes ici, on monte le ici. C'est un pantalon. Et le pantalon, c'est déjà pas mal kuffar. Enfin, l'insan y'en tabé. L'insan y'en tabé. En avoir les ikhwa, tu les vois, ils mettent pantalon, dès qu'ils servent Isbaïl l'akhiri, ils le montent. Ba'dhoum, ils sont fi ghafla achad. Dès qu'ils viennent fi salat, ils le montent. Dès qu'ils sortent le salat, ils l'enlèvent. Akhi, c'est pas din hada. D'où t'emmener ça, akhi? T'as une solution plus simple. Tu brûles son pantalon et tu t'habilles comme un musulman. Da! Anta, dès que tu sors de salat et tu le délaisses, si tu meurs, tu fais quoi? ما أسفل من الكعبين ففي النار فالعلة ستي التشبه بالكفار ولو يكب صنابي تكافر الآن vous connaissez الآن ils font des pantalons jusqu'à là il y a des pantalons ils descendent plus en bas de la chemise il y a des pantalons jusqu'à là il y a des pantalons jusqu'à là tout ça c'est un libas كفار si c'est un libas خاص بالكفار c'est un libas بالكفار si c'est pas un libas بالكفار c'est un libas de musulman avec un قميص dessus là bas لكن بعض الناس ils essayent de mélanger libas كفار que ça devient une chose de musulman là لا لا ça se mélange pas أبدا. كذلك من محاذير هذا اللباس أنه يكشف أو يحجم العورة تحجيم العورة. Ces pantalons تعلمون en général c'est des pantalons ils sont ضيق sont ضيق. فالمسلم الرجل لا يجوز له يسابي هكذا في الشارع en face de ses parents en face de sa sœur en face de كذا et il est هذا اللباس هذا اللباس هذا اللباس tu vois les formes de l'aura بعضهم tellement que ses pantalons ils sont serrés tu vois la forme خلاص خاصة بعض الناس ils font الصلاة avec الله العافية الله العافية tout ça ces trois choses ils te montrent que هذا اللباس il est haram التشبه أنه c'est une cause pour que le pantalon descend sous des chevilles et râle la plupart des pantalons c'est hakada. Et la troisième chose, al-aura. Enfin, une des trois, ça suffit pour qu'il soit haram. C'est-à-dire qu'on dit, je vais en mettre un peu large et je le coupe, ça reste un pantalon de kuffar. Si c'est un pantalon de kuffar, c'est haram. L'an al-illa, al-hukm, yadur ma al-illa. Quand t'as un hukm, tu dois regarder la cause. Si c'est un chapeau de kuffar, voilà où il est large, voilà où il descend en dessous des chevilles, voilà où kada, c'est haram, c'est un pantalon de kuffar. Enfin, t'as dit, ayyuha al-muslim. ونقرأ عليكم كلام بعض أهل العلم ومنهم الإمام محدث العصر الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال البنطلون فيه مصيبتان انظر كلام أهل العلم يقول هو pour lui c'est مصيبة مصيبة c'est une catastrophe deux مصيبة lui c'est deux catastrophes pour lui البنطلون هذا الأولى قال هي أنه أن لابسه متشبه بالكفار. La première, c'est celui qui le met. نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن Enfin, tu vas voir la aura, tu vas voir la forme. Ou alors si tu ne la vois pas directement, tu vois la forme et hada c'est haram. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a légiféré l'izar, al-qamis, il a akhir. Amma les choses qui montrent la aura hakada, là, il y a un dori. Et c'est pas min al-adab. Ma al-aba, ou al-ummahat, ou al-akhawat, c'est pas min al-adab. Je trouve, Abdallah, s'ils ont des pantalons, Allah al-afiyah. Khassat al-an, ils sont développés dans les modes hadi, c'est devenu une honte. Wahid, il te met un pantalon, il est craqué. Et il croit qu'il suit la mode. Et akhi, law dakhalu juhra dabbin, la dakhalta. Un caleçon sur la tête, tu vas le mettre, tu vas dire que c'est la mode. Fandabé. Sahih. Anta. Mais dites, est-ce qu'à l'époque tu aurais pu penser qu'on va mettre des pantalons craqués? C'était la honte. Ah putain. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé. Law dakhalu juhra dabbin, la dakhaltumuh. Wallah. Fi riwaya, qala Isa sallam, law jama'u ummahatum fi shari'. T'as une riwaya. Anahum, s'ils font les relations avec leur mère dans la rue, vous allez les suivre. Et wallah, là où ça arrive, tu trouveras des musulmans qui les suivent. Law dakhalu juhra dabbin, la dakhaltumuh. Enfin, tu trouves un. Ah oui, il y a des pantalons, ils sont délavés, ils sont sales, ils sont sales. Ils mettent des pantalons sales. Ah ou craqués, ah ou les pattes d'éléphant, ah ou. Ils n'ont pas d'aql et ils n'ont pas beaucoup de dîn, ah ou là. Si c'est des musulmans, on ne les kaffare pas, nous, ma'adallah. C'est des musulmans. Lakin, le dîn, il est daïf. Tu arrives à un point à mettre un patte d'éléphant, comme ils disent. Sallallahu alayhi wa مسألة بعض الناس ils ont une شبهة في هذا et cette شبهة est كثير في العمل dès qu'ils travaillent انهم ils pensent et ils disent انا اجمل pantalon c'est une ضرورة مثلا انا travail في عمل سيأتي السؤال للشغل الباني في هذا vous avez compris la مسألة ان واحد مثلا il travaille في بلاد الكفار c'est واضح il travaille en pantalon معروف حتى في بعض بلاد المسلمين الان il y a des entreprises, des chefs, des patrons et l'akhirah, ils imposent la personne qui travaille en pantalon. Fassou il a sur l'albani, qala, ussa'il, qala hukm, lebse le pantalon, liman istalzama amalahu dhalik. Il a demandé à sur l'albani comment on fait, il y a des entreprises, on est obligé. On est obligé. Ce qu'ils appellent ad-daroura. Qala sur l'albani, qala al-an, بالنسبة للبنطلون ما هي الضرورة؟ الضرورة c'est une chose c'est que t'as plus le choix c'est ça في العربية الضرورة مثلا معروف عندكم أن celui qui se retrouve dans un endroit et il a plus de quoi manger s'il ne mange pas il peut mourir فهذا الضرورة il a le droit de manger من الحرام ميتا خنزير il a le droit الضرورة تضيح المحظورة القاعدة المعروفة عندكم فالآن بعض الناس يميلونج الآن أنت si tu compares est-ce que le fait que tu vas mourir de faim c'est pareil que si tu vas pas à cette entreprise sans pantalon c'est la même chose أبدا c'est pour ça شغل الألباني lui a dit أين ضرورة il n'y a pas de ضرورة allez ou de ضرورة si il veut pas que tu travailles dans cette entreprise pantalon si tu obliges avec un pantalon délaisse cette entreprise et va vers une autre Alhamdulillah, il y a beaucoup de gens qui travaillent sans pantalon. Ils ont des qamis dans les musulmans, même dans les kufres. Ce n'est pas une daroura. Abadan. Abadan. Qala, fa'ajaba rahimahullah, l'an, bin nisba lil pantalon, ma hiya daroura. Al-sa'il, l'an, il va y avoir un niqash entre Cheikh Al-Albani et celui qui pose la question. Celui qui pose la question, il répond, ana, ashtaghil bi sharika, yufridoun alayya libas al pantalon. Il a dit à Cheikh Al-Albani, ana, je travaille dans l'entreprise, ils m'ont obligé. Cheikh Al-Albani lui a répondu, qal, hal. الشغل في هذه الشركة التي تفرض على المسلمين مخالفة شريعة الله هل هذا الشغل ضرورة؟ il lui pose une question il lui dit هل هذا الشغل الآن c'est une ضرورة؟ الآن on est tous d'accord ils sont obligés de porter le pantalon est-ce que أنت t'es dans le cas une personne qui n'a pas le choix أبداً je peux lui dire Anna j'arrête et tu vas vers un autre, dans un autre travail فلا يجوز مسلم il sacrifie son deen pour des choses comme ça là وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا celui qui craint Allah, Allah, il lui donne une issue. قَالَ الشيخ الألباني أَيْنَ الضَّرُورَ الشيخ الألباني lui a dit elle est haute d'arroura c'est où que t'as plus le choix montre-moi قَالَ الشيخ الألباني فَالضَّرُورَ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَتَخَلْ أَنْ تُخَلِّصْ نَفْسَكَ مِنَ الْوُقُوعِ بِالْهَلَاكِ c'est ça une ضَرُورَ أن الضرورة c'est une chose qui doit sortir ton nafs et tu te retrouves dans un cas tu peux mourir tu peux tomber malade tu peux kada tu peux kada tu vas faire du mal à ton neuf. Al-an il est où le mal Il est où le mal? Bilal, si t'arrêtes de travailler, il donne de l'argent. Aïn Daroura. T'arrêtes, il paye 6 mois. Assieds-toi, tiens. Aïn Daroura. Aïn Daroura. T'as deux jambes et deux bras comme tout le monde. Tu peux travailler, tu peux faire du commerce, tu peux cada. Ah là, ceux qui s'accrochent à Mitlahada, c'est des droits à faire. C'est ton droit à faire. Qu'est-ce que tu sacrifies ton dîn? Khas satan, si le patron c'est un kafir. Si c'est un musulman, ouais, c'est min âge de dunya, il fait ça. Ah là, parce que notre c'est min âge de dunya, kada. Si c'est un kafir, sache qu'il fait ça pour combattre ton dîn. Enfin, un taille, un musulman, faut que t'as de la rire pour ton dîn. Kala, rahimahullah, kala sur l'Albanie, kala fa idakunta fi amalin, fi sharika. وفرضت عليك الشركة مخالفة الشرع فتركت العمل بهذه الشركة فهل تخشى من الهلاك؟ شو الألماني الآن يجي وفخير يجي الآن سي tu délaisses ce travail est-ce que tu vas périr, tu vas mourir? أبدا الشيخ الألماني يجي قل بصراحة لا il a dit لا صحيح celui qui est sincère c'est sans je ne peux pas mourir il y a beaucoup de travail celui qui se bouge الحمد لله يا في بلاد المسلمين وفي غيرها المسلمين دول في بلاد المسلمين هذا قال فأين إذن ضرورة قال والناس الآن يسمون الحاجة من الحاجات التي يمكن الاستغناء عنها يسموها ضرورة صار كلام شغل الباني يدي كثير من الناس الآن يدي الشوز يبون سن باسي Ils peuvent s'en passer. Vivre chez les koufars, mettre des pantalons, tout ça, tu peux t'en passer un temps. Comme une annas, ils ne vivent pas chez les koufars et ils s'habillent comme des musulmans. Ils ne sont jamais morts de faim. Wallahi alhamd. Enfin, est-ce que c'est une daroura un temps? Abadan. Sahih, on a fait un zaman, qu'a-t-il une annas, ils s'accrochent à hada. Daroura. Daroura. Abadan. Prends l'exemple qu'avec le hijab pour les sœurs. Par des annas, là, t'entends, ils disent daroura. Elle enlève le hijab, c'est une daroura. Qui c'est qui t'a dit que c'est une daroura? Awalan, elle reste chez elle. Thaniyan, si elle n'a pas le choix, elle doit sortir, elle va dans le bilad musulman. Bilad musulman, personne ne va lui interdire. L'imad al-an, t'as enlevé, t'as coupé, t'as fermé l'issue, al-makhraj, et tu t'accroches d'aroura. C'est pas de daroura. Sors de là-bas et fais ton dîn dans un pays musulman, et elle met le hijab comme elle veut. Il n'y a pas de daroura. Al-ba'd al-nas, il s'accroche à hada, nassallah al-afiyah. مسألة أخرى تتعلق بهذا وهي لبس البنطلون هذا البنطلون أو غيره من ألبسة الكفار للأولاد بعض الآباء والأمهات يا دي باغو ils sont dans une gafla نسأل الله العافية ils sont dans une gafla في أولادهم تتعجب منها تتعجب قد يقول قائل l'enfant il est pas مكلف صحيح L'enfant, il n'est pas mukallaf. L'enfant, huwa, kama akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, rufi'a al-qalam an thalath. Wa minhum as-sabi hatta yablugh. L'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la raison, l'âge de la puberté, l'akhirah, il n'a pas de taklif, huwa. Halal ou haram, c'est pas écrit contre lui, huwa. Là, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est fi hukm al-majnoun. Lakin, la responsabilité, elle est aux parents. Anta, ton fils, il est petit, il s'habille comme un kuffar. Huwa, il a rien, il ne sait pas. Lakin, anta qui a acheté, anta qui lui a montré, anta qui l'a habillé, anta t'es athim. Anta, t'as les péchés. Anahu, il ressemble à un kafir, c'est le père et la mère qui prennent tout. Hada. Fa, libas, le kuffar pour les enfants, c'est haram. C'est haram. La yajouz. Khassatan, nahnu parle dès qu'il atteint un âge. Comme ça, ça sur l'Albanie, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il est akhir. Amma, un bébé, les nourrissons d'un an, deux ans, hada ma'rouf, il n'y a aucun fort. Lakin, nahnu, on va lire le kalam sur l'Albanie, ça va être wadih. Qal al-imam, al-muhaddid al-Albani, alayhi rahmatullah, qal, nara kathira min al-aba, wal-ummahat, yatasahaloun fi ilbas, al-awlad, al-sigar, hatta al-ladina jawaza sin al-sabi'ah. Cheikh Al-Albani, il s'appuie sur le hadith « Murru subyanukum bis salat » s'ils atteignent l'âge de 7 ans. Ça, c'est un dalil. À partir de 7 ans, tu dois commencer à lui montrer à salat, à l'odo, ne pas ressembler au kuffar, ne pas kada, il a akhir. Et ça, istidlal, il est fait mawdi'ah, rahimahullah. « Qala aqul, na'am, ma jara alayhim, kanahu l'adam taklif. » Na'am. Il montre le masala. Anna, il n'est pas mukallaf. Il n'aura pas de compte à rendre sur ça. Il est petit, il ne sait pas. معنى أنها ليست آثمة أي البنت كما أن الغلام ليس آثما نعم la petite fille ou le petit garçon 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans il sait pas où tu lui achètes un jean il le met tu lui achètes un camis il le met لا يبالي هو أنت c'est toi qui as la responsabilité كلكم راعين وكلكم مسؤول قال ولكن الوالد آثم هذا الوالد il est آثم c'est le responsable le père de famille il est آثم c'est lui qui a acheté c'est lui qui a s'il ne voudrait pas il aura acheté des habits musulmans et l'enfant il sera habillé هكذا les parents ils ont une responsabilité t'as fait un enfant Allah il t'a رزق un enfant t'as une responsabilité يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا t'as une responsabilité أنت cet enfant هذا tu dois le protéger من هذا comme tu le protèges fait Omar Dunia tu lui donnes à manger l'akhirah كذلك في الدين tu lui montres l'islam il s'habille comme un musulman il vient avec toi au masjid et l'akhirah لكن إلى الله المشتكى هذا انتهينا منه أي on a donné l'exemple du pantalon avec certaines مسائل ça c'est واضح وللأسف c'est منتشر جدا في بعض البلدان بعض البلدان الإسلامية الأكثر الناس بالبنطلون قليل تدخل واحد بالقميص قليل فهذه المصيبة على الأمة سيمصيبة نسأل الله عز وجل أن يزيلها لا تزم شوز من الألبسة هي الألبسة التي فيها الصور فهذه بلوى كذلك c'est بلوى انتشرت خاصة كما تعلمون les vêtements pour les enfants تتعب أحيانا pour trouver un vêtement pour un enfant il n'y a pas de صورة تتعب لكن الإنسان يتعب ستجي يصبر أما الصور كما تعلمون أي لغبرزنتاسيون الصور أي لزيماج بقيت أنها c'est une chose qui a une âme إما un homme une femme un animal إلى آخره أما les arbres les fleurs إلى آخره هذا c'est مباح يجوز لكن نحن tout ce qu'on va parler الآن c'est les choses يعني qui possèdent une âme أولا النبي صلى الله عليه وسلم إلى interdit les photos قال عيسى السلام كل مصور في النار كل مصور في النار ستموت أن les photos sont interdites بل c'est من الكبائر ça fait partie des grands péchés لأن الوعيد il est شديد في النار الحديث متفق عليه عن ابن عباس ثانيا أن les anges iront pas dans un bête ou qu'il y a une sourah فأنت si t'as un vêtement ou qu'il y a une sourah الملائكة iront pas chez toi فلا شك أن الصور سمحرم والنبي صلى الله عليه وسلم nous a montré comment faire avec الصور كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال عيسى السلام ألا تدع صورة إلا طمستها خفة صلى الله عليه وسلم إلى موقع علي أن une photo qui doit l'éliminer الطمس c'est efface أو تبغل أو المهم tu l'enlèves c'est ça الطمس فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن nous a montré نحن comment faire avec les صور كيف أنت أيها المسلم tu vas acheter des habits pour toi ou pour des enfants avec une sourah أنت الآن المصور اللي في النار أنت tu vas parler في النار الملائكة ils rentrent pas chez toi أنت t'es un مسلم tu المسلم il aime الملائكة ils rentrent chez lui ثالثا tu dois effacer ces images لماذا tu la portes المصيبة كما تعلمون أن أحيانا il se fait du mal à lui et il charle les autres في الصلاة مثلا أحيانا tu rentres dans certains مساجد العوام إلى آخره tu rentres مثلا إما il y a des enfants ou des jeunes حتى des vieux أحيانا il a une veste un pull et il y a une image أحيانا une femme أحيانا كذا et أنت t'es في الصلاة هذا لا يجوز et tout ça c'est venu des كفار tout ça c'est venu من ألبسة الكفار ils ont mis هذا يعني تحارب الدين قال شيخ العثيمين علي رحمة الله في هذه المسألة قال يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباس الكبير إلباسه للكبير هذا tout ce qui est interdit pour le grand c'est interdit pour le petit لاحظ بعض الناس يزون غفلة يجيز لكن لي سيبا vous l'avez vu هذه vous l'avez déjà entendu مثلا un enfant il a un pull il y a une image أنت tu préviens tu dis تقول الله c'est une image de la réalité بعض الناس disent il est petit il sait pas non lui il sait pas لكن أنت tu sais ton enfant s'il irait vers du feu ou là vers un fossé ou vers une voiture t'as peur pour lui tu le prends les malades dès que c'est du din t'as pas peur النبي صلى الله عليه وسلم il a dit كل مصور في النار ton enfant il risque rien il est pas mukallaf tout le hitm il revient sur toi ayuha al-ab فهذه الغفلة لا ينبغي. C'est un enfant, c'est pas grave, c'est un enfant. نعم, lui c'est un enfant, لكن أنت أنت تشارجي de son éducation. قال وال أو هذا بعد. قال وما كان فيه صور أي من ذوات الأرواح. قال فإلباسه للكبير حرام. فيكون إلباسه للصغير حراما أيضا. Pour les deux, c'est haram. Mais la différence, c'est que le petit, c'est pas haram, ça retombe pas sur lui. Il y en a, il sait pas. Ça retombe sur ses responsables. Il m'a son père, il m'a, s'il est un responsable, c'est lui qui prend le ithm. قال حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي. نعم, شرع تيمين l'a dit, faut fermer les portes. Faut fermer les portes. أنا j'ai oublié un كلام. قال, أعيد, قال والذي ينبغي, نعم, للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب. حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي فتوى من إمام تدي لا solution أن نحن on détruit ces vêtements هذه. Si le vêtement tu peux le mettre, il y a une petite photo, t'arraches la photo, hein, t'arraches la photo et là bah, tu mets le vêtement. لكن la photo elle doit être enlevée, la photo là بد là بد خاصة الآن. Oublie pas أنهم ils ont une da'wa. Les vêtements c'est devenu comme des panneaux publicitaires, mets-toi le dans la tête هذه. C'est devenu comme des panneaux publicitaires. Imma c'est de la pub pour une marque, imma c'est il y a un fikr. Ahyanan il y a des gens, ils mettent, il y a un kalam, ils ne savent même pas ce qui est écrit. Ahyanan c'est ta'am fi din, ahyanan c'est kada. Enfin, crois pas qu'ils font ça hakada. Crois pas qu'ils font ça. Eux ils ont un but derrière hada. Imma dunya, imma pour harab din. Mas'ala, okhra, et c'est la dernière, fi hada al-bab. Na'am, c'est la dernière. Anna, mas'ala muhimma. التجارة في هذه الأمور. الآن أنت أخي المسلم ونأشتلكي ولله الحمد أن أغسهم لكفار لفتمنس حرام لفتو إلى آخره. الآن بعض الناس إلي يبقى لكن يفيدو كم يخصبه سي كم سكونا ستة طالر إلي ميبلو إلي دونا كلكا. هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. الحرام on doit l'enlever, نحن on doit pas le donner aux autres. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده قال عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. هذه القاعدة في الدين أن الله سبحانه وتعالى سين انترديه une chose il interdit son prix. L'alcool c'est interdit, t'as pas le droit de l'acheter, t'as pas le droit de le vendre, t'as pas le droit de faire du commerce. أبدا. Les vêtements des kuffar, Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit, le prophète il a interdit, pas le droit de faire de commerce, pas le droit d'acheter, pas le droit de vendre. C'est une qaïda. إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. بعض الناس يفتح تجارة في لباس الكفار واضح. لا نجل بقطة. لا لا لا لا يجوز. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فطلقوا هذا. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله قال ولا يحل استيرادها. أي l'importation. Dans un pilote مسلم ils ont pas, on n'a pas le droit d'importer les vêtements kuffar. قال ولا صناعتها. ولا صناعتها. ولا الكسب. الحاصل منها والكسب الحاصل منها ومن كل لباس محرم حرام وسحت. شيخ ابن عثيمين يتسد أن كل لباس كيسو حرام كي دي فوتو سأغصب الكفار إلى آخره pas le droit de les fabriquer, pas le droit de les acheter, pas le droit de les vendre, pas le droit de les importer, pas le droit de les exporter, أبدا. بل il a dit ثمنه حرام. الدليل تقدم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال وسحت. وسحت جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. خفت صلى الله عليه وسلم أفغمي أن في الجنة اللحم كمن حرام يغنطى في الجنة النار أولى به. فسلوي كي في دي كوميرس في الحرام ثم يموت ثم لا شك أنه لا بروفيت دي حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أفغمي أن سون كور هذا سون كور كبروفيت دي حرام النار أولى به. Ça ne veut pas dire que le musulman va éternellement en enfer. Abedan. Il peut aller fil nar et il sort. Lakin, fil jannah, akhbar al-Nabi sallam, an la yadkhul jannah nar lahm nabata min suht. As-suht c'est le haram. As-suht c'est le haram. Al-Sheikh ibn Uthaymeen ashara ila hada. Qala al-Sheikh ibn Uthaymeen, li anna Allah ta'ala idha harrama shay'an harrama thamanah, dhakarna. Qala wa nasihati. Hada c'est muhim l'an. Al-Sheikh ibn Uthaymeen va conseiller ceux qui font du commerce fi hada. Qala wa nasihati li ahli al-mahallat. الذين يبيعونها أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي مجتمعاتهم. نعم يفون جمال أنت الآن تين كوز que les habits de kuffar ils se répandent عند المسلمين. C'est toi la cause. C'est toi, tu es parti d'exporter le pays كذا, tu le vends إلى آخره. Quand il y a si je ne le fais pas, les autres ils le feront. Ça, laisse les autres. Au moins, toi, Yom Al-Qiyama, tu n'as rien. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas responsable des autres. Enfin, l'insane, il ne regarde pas toujours les autres. Anta, tu es un ab. Anta, tu dois t'éloigner de ce haram. Et si tu peux conseiller les autres, fais-le. Amma, tu fais et tu dis les autres, ils font là. Si les autres, ils vont venir, tu vas les suivre. Venir. Khal. Wa an la yakounu asbaba li iqa'ihim fil ith. وأبواب الرزق يرحمك الله وأبواب الرزق الحلال مفتوحة نعم مفتوحة من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أنت اتق الله في السنة في الأسباب في الكوز اي الله سبحانه وتعالى يدنغ leur chose de kuffar هذه leurs vêtements et l'akhir كم الآن tu peux faire du commerce avec des vêtements musulmans كم Tu peux vendre des choses moubah, tu peux vendre. Tu n'es pas obligé de vendre hadith l'humour. Allez, à la fin de la fin de la fin de la halal, khayrun min al-kathir min al-haram. Ou là aussi, tu gagnes moins. Wallah, si c'est du halal, ahsan lak. Ahsan lak, tu vas faire quoi avec du haram? Tu vas faire quoi dans le qiyamah? Tu vas aller où? Aïna al-mafar. Tu vas aller où? Tu vas dire quoi? Al-insan, hadith c'est de la dunya, ça va passer. Ça va passer. Al-dunya, sujnu al-mu'min, jannatu al-kafir. Tout ce que tu veux, Inch'Allah, tu l'auras fait le Jannah. Si tu es min al-muttaqin, min al-mustahin. Amma, ba'dan nas, ils veulent tout fait le dunya. Qala, rahimahullah, as'alullah ta'ala, al-hidayah lil-jamiya. Non. Fa, nous rajoutons une autre nasiha, l'insan la yubali bima yuqal. Quand ba'dan nas, ahyanan, ils ont la motivation, il entend mitla del kalam. Il est convaincu, c'est un muslim. Mais, il faiblit dès qu'il pense aux autres. Ah, ils vont dire kada, Fulan il va dire kada, Fulan il va rigoler, Fulan. Là, tu vas aller. Yom Qiyamah, tu vas être tout seul. Yom Qiyamah, tu vas être tout seul. Fa, la yom fa'ouk Fulan, ou Allan. Anta ta'ab. Obéis Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est mis la shaitan. Ça, c'est mis la shaitan. Premier jour, deuxième jour, après, ça devient adi. Ça devient adi. Fa. Et ne délaisse pas tout ça pour Wasawis Iblis. Alayhi l'anatullah. Wa akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أن من أرضى الناس من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه وأسخط عليه الناس celui qui veut satisfaire les gens et il satisfait il met en colère Allah عز وجل Allah il est en colère contre lui et les gens ils sont pas satisfaits de lui Allah سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا يجوز أن Tu désobéis à Allah pour satisfaire à Foulain. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Ils te font aucun mal. Wa'alam, Anna, les gens, tu n'arriveras jamais à les satisfaire. Mets un pantalon, ashab, les pantalons, ils vont te critiquer. Mets un kamis, il y en a, ils vont te critiquer. Mais habille-toi comme tu veux, tu seras critiqué. La boudhada, la hadja islam. Fa'anta, l'essentiel, c'est que Rabbul Alamin, il soit satisfait de toi. C'est ça l'essentiel. Bah, t'écoutes Foulain, Allah, ils te font peur. Abadan. C'est des bachars comme toi, des makhlouk comme toi. Ils te font aucun bien, ils te font aucun mal. Al-amri li biyadillah min qablu min ba'd. Hada. Hada. Fal khatima, on conclut à hadi al-kalima. Allati nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'al fiha an-naf liman sha' min 'ibadihi. Anna al-insan yabta'id min at-tashabbuh bil kuffar. Batinan wa zahiran. Donc c'est une chose qui est spécifique au kuffar, écarte-toi. Écarte-toi. Le Nabi sallallahu alayhi wa nous a donné beaucoup de mitzvot. On aurait pu détailler le sujet, lakin yakfi. Lakin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré beaucoup de mitzvot. Qal alayhi sallam khaliful mushrikin. Uhfu ash-shawarib wa afu al-liha. Fatmot, fi hadha al-hadith, tu dois khaliful mushrikin même dans ça. Tu laisses pousser ta barbe et tu tailles ta moustache. Laisser pousser la moustache, c'est mushabahat al-kuffar. Bossé mis dans la taille. كذلك غازي لا باب سي مشابهه المشركين المسلم يدوا لازيليس البوسي تي تروف الان بعض المسلمين يفون كونترا اي غازي لان موستاش دو دو 3 mois صلى الله العافيه كذلك قال عيسى السلام خالف اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم انظر ces choses, le prophète sallam, il a mis en garde. Anna al-Yahoud, il ne faut pas salat dans leurs sandales, dans leurs baskets, dans leur abadan. Il faut salat pim. Le prophète sallam, il a dit Khalif al-Yahoud, sallou fi li'alikum. Al-Muslim, c'est une sunnah, il prie dans ses sandales, si elles sont propres, bien sûr. Si elles sont propres, bien sûr. Wa qala Isa sallam, soumou yawm ashura. Soumou yawm ashura. Ashura ma'rouf, le dixième de Muharram. Le prophète sallam, il nous a conseillé de jeûner. Les compagnons, ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les jeunes, kadhalik. Les Yahoudis jeûnent le 10 de Muharram, Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a entendu ça, il a dit Soumou Ashura, wa qaddimou biyad. Tout ça, mukhalafa lil Yahoud. Mukhalafa lil Yahoud. Qala alayhi wa sallam kadhalik, al farq bayna siyamina wa siyam ahli al kitab aklatu sahur. Les Yahoudis et les Nasara, ils font siyam dès qu'ils jeûnent. Ils ne prennent pas de sahour. La différence, nous, on prend sahour. Hatta, on ne le ressemble pas, même dans cette ibad. Même dans cette ibad. Kadhalik, qala Isa sallam, la tashrabu fi aniyat al-dhahab wal-fidda. Buvez pas dans des récipients en or ou en argent. Le prophète sallam, qala, lahum fi dunya wa lakum fi l'akhir. Hatta fi hada, on ne ressemble pas au kuffar. Enfin, tout ça, ça te montre, ayyuha al-muslim, annaka tu t'éloignes de haoula. Haoula, ils ne veulent aucun khayr. Haoula, ils détestent. Haoula, ils combattent ton din. Haoula, ils combattent ton rasoul. Ils se moquent de lui. Ils se moquent du Coran. Il a akhiré, kaif anta, tu les suis. Bi ay aql wa din, tu les suis. Ay hujja, ay burhan. Ay burhan. Wa ta'ammal, akhi al-karim, qawlullah azza wa jal, la yaghurrannaka taqallub alladhina kafaru fil bilad. Mata'un qalil. Thumma ma'wahum jahannam. وبئس المهاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد الله سبحانه وتعالى يدعو النبي عليه الصلاه والسلام ne te fais pas tromper تقلب اهل الكفر في البلاد اي voyage ils ont des enfants ils ont des commerces ils ont des maisons ils ont des ne te fais pas tromper par هذا الله سبحانه وتعالى dit متاع قليل الله سبحانه وتعالى c'est lui qui va donner ça متاع قليل c'est peu ثم الله سبحانه وتعالى il a informé ان يوم القيامه مأواهم جهنم وبئس المهاد. Le refuge, ça va être le feu. Enfin, ne te fais pas avoir un tas. Bardemas l'ani, d'aïma le kofar, ils ont fait kada, ils ont inventé kada. Ça, c'est mata' qalil. Ça, c'est une fitna pour eux. Ils sont occupés, ils ont oublié leur din. Et s'ils meurent à l'âge d'al-hal, c'est des kofar. Et ils sortiront jamais min al-nar. Fata'ammal hala. Wa nakhtim li athar. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, qal, ya ma'ashara al-muslimin. كيف تسألون أهل الكتاب؟ الآن سمع نصيحة من ابن عباس à son époque. Il y a des musulmans qui demandaient à أهل الكتاب. Les juifs et les chrétiens leur demandaient des choses. لأنهم aussi ils avaient un livre. Ils avaient un livre, la Torah ou l'Injil. فابن عباس va les conseiller. قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب؟ وكتابكم الذي أنزل على نبيه تقرؤونه وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Ibn Abbas il leur a montré que vous demandez à Haoula, à ces kuffars, juifs et chrétiens, et antum vous avez le Coran. Antum vous avez la sunna du prophète Aïssa sallam. Alors qu'eux ils ont déformé leur livre. Qu'est-ce que tu vas et tu leur demandes? Ibn Abbas ankar alayhim, le fait de leur demander, ankar alayhim. Akhi le musulman ne demande jamais un kafir. Tends jamais ta main à un kafir. Allah il veut que tu mal. Même s'il te donne, هو إلى أن أبجكتيف دغير. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال والله أو قبل هذا قال فلا ليشتروا به ثمنا قليلا قال أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ولا والله ما رأينا منهم رجل يسألكم عن الذي أنزل إليكم. ابن عباس يقول والله on n'a jamais vu un juif ou un chrétien venir nous demander une chose sur le dîn. Abadan, il nous déteste. Kif anta tu vas et tu lui demandes. Kif tu vas et tu lui demandes. Fa'ahada. Anta Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a envoyé un prophète alayhi sallam. Il lui a révélé le Coran. Il nous a montré ce sunnah. Chaque khayr il nous l'a montré. Et chaque mal il nous a mis en garde. Fa'ahada, ça doit te suffire, ayyuhal muslim. قال عز وجل ولم يكفيهم أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون هذا أنت ستشوف أيها المسلم فالقرآن السنة فتقبض ضريبة هؤلاء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فنسأل الله عز وجل أن يهدي جميع المسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من كيد الأعداء إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت والحمد لله رب العالمين.